nous a وهنا نضيف كما مر معنا بالأمس وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. Et nous rajoutons à cela, comme nous avons cité hier, l'obligation de comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs, la compréhension des pieux prédécesseurs, qui étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la génération qui les a suivis, les tabi'oun, et la génération qui a suivi les tabi'oun, qu'on appelle atbar ou tabi'oun. Ce sont eux les salafs, et ce sont eux dont nous devons... Ce sont eux que nous devons prendre comme exemple dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et comme nous disions hier, c'est pour cela que dans ce hadith, ou dans le hadith de la division de la communauté en 73 groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de nous appeler et de nous dire qu'il faut s'accrocher à sa Sunna ou le suivre lui uniquement, mais il nous a également rajouté à cela le fait de suivre la sunna des califs bien guidés dans ce hadith et le fait de suivre la voie des compagnons dans le hadith de la division de la communauté. وهذا إن دل على شيء يدل على وجوب التمسك بفهم السلف وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. Et si ceci prouve quelque chose, eh bien ça prouve l'obligation de s'accrocher à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. Donc dans ce hadith, le prophète nous dit « Accrochez-vous à ma sunna. »« Accrochez-vous à ma sunna. »« Wa al-muradu bi sunnati al-rasul sallallahu alayhi wa sallam tariqatuhu allati kana yasiru alayha wa ma kana alayhi min al-i'tiqadi wal-amal wal-hadi wal-akhlaq. » Et ce qui est voulu ici par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa voix, la voie sur laquelle il était, que ce soit dans la croyance, dans les actes, dans la guidée et dans les comportements. إذن قوله عليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي التي أنا عليها لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc lorsqu'il dit accrochez-vous à ma sunna, c'est-à-dire accrochez-vous à la voie sur laquelle je suis, car c'est lui notre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes choses, conformément à la parole d'Allah, dans la traduction rapprochée du sens, vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Puis ensuite il dit et à la sunna des califes bien guidés après moi. وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. Donc accrochez-vous à la sunna des califes bien guidés après moi. Et ce sont les quatre califes Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ce sont eux les califes bien guidés. فَمَا كَانُوا عَلَيْهِ وَمَا عَامِلُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc, la voie sur laquelle ils étaient et ce qu'ils ont fait, ceci fait partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فَهُمُ الْمَرْجِعُ بَعْدَ الْكِتَابِ وَبَعْدَ سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فينظر فيما كان عليه الخلفاء الراشدون ويؤخذ به. Donc ils sont une référence après le Coran et après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Donc nous devons regarder ce sur quoi étaient les califes bien guidés et nous devons l'accepter et le prendre. ثم قال تمسكوا بها يعني tenez-vous-y fermement وهذا تأكيد لقوله عليكم بسنتي et ceci pour appuyer et confirmer sa parole accrochez-vous à ma sunna فعند الاختلاف تقع الأمة في خطر عظيم lors de la divergence la communauté tombe dans un grand danger et dans un grand problème ولا ينجيها إلا أن تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم Et rien ne pourra l'en sauver. Rien ne pourra sauver la communauté de cette divergence et de ce problème et de ce danger, si ce n'est l'attachement ferme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالإنسان إذا كان في مهلكة أو في غرق ولجة يتمسك بالحبل الذي ينجيه من هذا الشيء. Certes, l'homme, lorsqu'il est en danger, il est proche de la mort ou proche de la noyade. Dans l'eau de la mer, eh bien, il s'accroche à une corde pour l'en sauver, pour le sauver de la noyade. وَالْحَبْلُ الَّذِي يُنْجِيكَ من هذه المخاطر هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم et la corde qui te sauvera de ces dangers les dangers de la divergence c'est la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم لو انفلت منك الحبل وانت في البحر او في الماء تغرق فاذا خشيت ان ينفلت من يديك عض عليه بالنواجذ أي بأضراسك لأنه إذا انفلت منك هلكت فإذا كلت يداك من التمسك به عض عليه بأضراسك ولهذا قال وعضوا عليها بالنواجذ وهذا تأكيد بعد توكيد بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن وعند الاختلاف Donc je disais, si jamais le câble auquel tu t'accroches, la corde à laquelle tu t'accroches, tu es dans la mer, tu es dans l'eau de la mer et tu es en train de te noyer, et donc il n'y a qu'une corde qui peut te sauver de cela, donc tu t'y accroches, et si jamais tu crains de lâcher cette corde avec tes mains, alors tu t'y accroches avec tes dents, avec tes molaires. Pourquoi? Parce que tu sais que si jamais tu perds, si jamais tu lâches cette corde, tu vas mourir. Donc si tes mains commencent à faiblir, tu t'y accroches avec tes molaires. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, et tenez-vous-y fermement et accrochez-vous-y avec vos molaires. C'est une image pour dire, pour confirmer et appuyer l'importance de s'approcher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des troubles et lors de la divergence. فَإِنَّ بِهَا الْعِسْمَةَ فَإِنَّ بِهَا الْعِسْمَةَ وَالنَّجَاتِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا وَتَرَكَ مَا عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لِلسُنَّةِ مَهْمَ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ أَوْ الْمُخَالِفُ Car certes, la sunna Elle est la chose qui te préserve et qui te sauve de l'égarement. Celui qui s'accroche à la sunna et qui délaisse les voies de ceux qui contredisent la sunna, quels qu'ils soient ces gens, qui contredisent la sunna. Celui qui s'accroche à la sunna et qui délaisse les voies de ceux qui contredisent la sunna, celui-là, c'est celui-là qui sera préservé, qui sera sauvé. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. C'est pour cela que l'imam Malik disait, rahimahullah, la sunna est comparable à l'arche de Noé. Quiconque monte dedans sera sauvé. Et quiconque la manque va se noyer. وقال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة إلى آخر ما قال. الإمام زهري رحمه الله il disait, il faisait partie des salaf, il faisait partie de la troisième génération de musulmans, les tabi'in. Il disait, ceux qui nous ont précédés parmi nos savants disaient, c'est-à-dire les tabi'in et les sahaba et tabi'in, ils disaient, le fait de s'accrocher à la sunna est la cause du salut. وقال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. L'imam al-Awza'i, rahimahullah, également parmi les salafs, parmi les plus prédécesseurs, al-Awza'i, il disait, accroche-toi aux traces des salafs, même si les gens te rejettent, et méfie-toi des avis des hommes, même s'ils te les enjolivent par leurs paroles. وفي هذا بيان أن من الناس من يكثر كلامه ويزين كلامه كأنه على الحق وفي الحقيقة هو مخالف للسلف. Et dans cette parole de l'Auza'i, il y a une indication qu'il y a certaines personnes qui parlent beaucoup et qui enjolivent leurs paroles jusqu'à ce que tu crois que c'est la vérité, alors qu'en réalité, ils contredisent la sunna, ils contredisent la voie des salaf salih, la voie des plus prédécesseurs. فالعبرة ليس بكثرة الكلام وبكثرة الرواية وبكثرة النقولات وإنما العبرة بمذهب السلف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. Donc, ce qui compte, ce n'est pas de beaucoup parler, de beaucoup rapporter de paroles et de beaucoup transmettre des paroles, mais ce qui compte, ce qui doit être pris en considération, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des salafs. Et là, je rajoute une petite chose. C'est qu'il y a des personnes qui amènent des paroles ou qui amènent certaines positions que certains savants ont eues fussent-ils même partie des savants des salafs. Ils vont te rapporter certaines paroles et certaines positions que certains savants et certains salafs ont eues. Tout cela pourquoi? Pour légitimer leur avis. Donc il faut savoir une chose, c'est que l'infaillibilité, al-usma, l'infaillibilité, elle n'est pas dans une parole d'un salaf ou une position d'un salaf. Un parmi les salafs peut se tromper. Et la preuve, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui est le meilleur de cette communauté, lui-même est tombé dans des erreurs parce qu'il ne lui était pas parvenu certains hadiths. Et d'autres après lui également. Et certains, par rapport à certaines situations, ont fait certaines choses par ijtihad, par effort d'interprétation. Il se peut qu'il soit tombé dans le vrai, comme il se peut qu'il soit tombé dans l'erreur. Donc l'infaillibilité n'est pas dans une parole d'un salaf ou dans un acte d'un salaf. Mais l'infaillibilité est dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les bases sur lesquelles étaient unanimes les salafs. Les salafs dans leur ensemble, l'unanimité des salafs, ceci est infaillible. Il n'y a pas d'erreur dans le consensus des salafs. Tout comme il n'y a pas d'erreur dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un parmi les salafs, il se peut qu'il se trompe. Donc nous devons revenir aux bases qui ont été établies dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et établi par les savants des salafs dans leur ensemble. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: et quiconque fait scission d'avec le messager après que les preuves lui furent clairement exposées et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous le détournerons comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. وهنا سؤال: من هم المؤمنون المقصودون بهذه الآية وعند نزول هذه الآية؟ Il y a là une question: qui sont les croyants cités dans ce verset et qui sont les croyants au moment où ce verset est révélé? هم الصحابة رضي الله عنهم, ce sont les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Au moment où ce verset est révélé, les croyants sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui suit un chemin autre que celui des croyants, celui qui suit un chemin autre que celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui suit un chemin autre que le chemin de l'ensemble du groupe des compagnons radiyallahu anhum. طيب، ثم في آخر هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. Méfiez-vous des nouveautés en religion. والمحدث في الدين ما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الحوادث. La nouveauté en religion, la nouveauté dans la religion, c'est tout ce qui n'a pas d'origine, tout ce qui n'a pas de preuve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les nouvelles choses. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما خالف السنة فهو محدث، والمحدث بدعة وضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Et dans un autre hadith, il dit: quiconque fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, son acte est rejeté. Donc tout ce qui contredit la sunna est une nouveauté en religion. Et la nouveauté en religion est une innovation et un égarement. Car toute innovation est un égarement. وأما ما أحدث في أمور الدنيا كالمراكب والملابس والمساكن هذا ليس ببدعة، هذا من المنافع التي أباحها الله لعباده. Quant aux choses qui sont innovées dans les choses mondaines, telles que les moyens de transport ou les vêtements ou les lieux d'habitation, toutes les nouveautés dans ces choses-là, ceci ne rentre pas dans l'innovation interdite. Ceci fait partie des choses profitables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées à ses créatures. Wa innamal kalamu fid din. Mais lorsque nous parlons d'innovation, nous parlons de l'innovation dans la religion. Fala yajuz li ahadin an yuhditha fid din shay'an laysa fi kitabillah wa la sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est permis à personne d'innover quelque chose dans la religion, d'innover une chose qui ne fait pas partie du livre d'Allah, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kana qasduhu hasanan wa yuridu al-khayr. Même s'il a une bonne intention et qu'il veut faire le bien. Wa in kana yuridu al-khayr yattabi'u sunnah. S'il veut vraiment faire le bien, eh bien qu'il suive la sunna. Wa in kana yuridu ghayraha فهذا ليس خيرا وان راه هو خيرا او ظن انه خير. Et s'il veut autre qu'elle, s'il veut autre chose que la sunna, eh bien ceci n'est pas un bien, même si lui il voit que c'est un bien ou il pense que c'est un bien. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: quiconque désire autre chose que ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Donc ceci est un désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui délaissent sa sunna et qui veulent autre qu'elle, et qui veulent autre qu'elle. Ma tarakati sunnatu khayran illa bayyanathu. Sachez que la sunna n'a rien délaissé parmi les choses de bien sans l'avoir explicité. Fa hiya shamilatun. Elle est donc complète. وليست بحاجة إلى إحداث. Elle n'a pas besoin qu'on vienne lui ajouter quoi que ce soit. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard et j'agrée l'islam comme religion pour vous. فَدِينُ كَامِلٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ تَأْتِي بِإِضَافَةٍ تُزِيدُهَا عَلَيْهِ. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète. Walhamdulillah. Elle n'a pas besoin que tu viennes lui ajouter quoi que ce soit. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة بيان أنه لا يستثنى شيء من البدع. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement. Il y a là-dedans une explication que rien parmi les innovations n'est acceptable. لأن هناك الآن لأن هناك الآن من يقول إن البدع منها ما هو حسن وهناك بدع حسنة يقولون هذه بدع حسنة. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent et qui te disent que parmi les innovations il y a des bonnes choses. Ils te disent ceci est une bonne innovation. وهذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ceci contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Le prophète il te dit toute nouveauté en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Wa hum yaqulun la hunaka bid'a hasana. Et ils te disent non, il y a une bonne innovation, il existe de bonnes innovations. Naqul laysa hunaka bid'atun hasana. هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous leur disons, il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. Ceci contredit la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. فالبدع لا خير فيها ولا حسن فيها كلها قبيحة نسأل الله العافية. Donc les innovations, il n'y a aucun bien en elles. Elles sont toutes mauvaises. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. فهذا حديث عظيم يشتمل على وصايا عظيمة. Donc ce hadith al-Irbad, est un hadith immense qui contient beaucoup de bonnes. Contient beaucoup d'exhortations et de conseils importants. من تمسك بها فإنه ينجو من الفتن والخطر والضلال وتشعب الآراء والأفكار. Celui qui s'y accroche à ces conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, celui qui s'accroche à ces conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné dans ce hadith, il sera sauvé des troubles et des dangers et de l'égarement et de la division et de la dispersion des pensées et des idées. وهذا من نعم الله على المسلمين أن بين لهم الطريق وأبقى فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ceci fait partie des bienfaits d'Allah. Ceci fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux musulmans. Le fait qu'il leur a expliqué le droit chemin et il a laissé parmi eux le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Abqa al-kitab wa sunna bi-aidi al-muslimin rahmatan minhu subhanahu wa ta'ala wa lam yatrukhum yatakhabbatuna fil ara'i wal afham wal afkar kama kana halu al-umami al-sabiqa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a laissé parmi les musulmans son livre, le Coran et la Sunna, par miséricorde de sa part. Il ne les a pas laissés s'engouffrer dans les idées et dans les pensées et dans les avis personnels, comme a été le cas des communautés qui nous ont précédés. Car les communautés qui nous ont précédés, Allah subhanahu wa ta'ala avait donné la charge aux communautés de préserver la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils ont modifié le message d'Allah. Ils ont modifié les livres qu'Allah leur avait révélés, la Torah et l'Évangile. Quant à notre communauté, la communauté musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté lui-même garant de préserver son livre, le Coran, et de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peu importe les ruses des ennemis de l'islam et de la sunna pour détourner les musulmans de l'islam et de la sunna, il y aura toujours la preuve sera toujours établie sur les créatures afin que vive dans la droiture celui qui a été guidé à la droiture et afin que meure dans l'égarement celui qui a été voué à l'égarement. Et vous trouvez des gens aujourd'hui qui viennent et qui vous disent « Oui, mais telle chose, les savants ont divergé là-dessus. Les savants ont divergé. Est-ce que cette chose est une innovation ou pas? Les savants ont divergé. Est-ce que ce groupe est un groupe égaré ou non? Les savants ont divergé. Est-ce que cette personne est un égaré ou pas? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait laissé dans la confusion et qu'il ne nous avait pas donné les règles qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'une innovation et qu'est-ce qui n'est pas une innovation. Quel est le groupe qui est sauvé et quel est le groupe qui est égaré? Quelle est la personne qui est bien guidée et quelle est la personne qui est égarée? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les règles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont appliqué dans leur vie et l'ont transmis à ceux qui les ont suivis. Les tabi'oun. Et pareillement, les tabi'oun l'ont compris des compagnons et l'ont transmis. Et l'ont appliqué et l'ont transmis à ceux qui sont venus après eux. Et ainsi de suite, de génération en génération jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les savants de la sunna authentique, non pas ceux qui se prétendent de la sunna mais qui la contredisent lorsque tu regardes leurs paroles et leurs actes. Donc les savants de la sunna, avec à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont cessé d'enseigner, de comprendre, premièrement, de comprendre de ceux qui les ont précédés les règles concernant les paroles, les actes et les personnes. Ils les ont comprises. Toutes ces règles qui permettent de juger les paroles, les actes et les personnes. Et ils les ont appliquées et ils les ont transmises à ceux qui les ont suivis. Et certaines personnes qui n'ont pas pris la science de ces savants-là viennent émettre des doutes sur ces règles. Comme je disais, certains vont venir et prendre certaines paroles ou certaines positions de certains savants, puis ils en font des preuves et ils en font une base. Ils en font une règle et une base. Wama alimu, ils n'ont pas su ces gens-là. Ils n'ont pas su que les situations de contrainte ont leurs règles. Tu as de la règle de base, puis après tu as des situations de contrainte qui font que tu vas devoir sortir de cette règle de base et entrer dans une autre règle qui a été établie également par les savants. Mais en aucun cas, ces règles qui viennent en situation de contrainte doivent être utilisées pour annuler les règles de base, les règles d'origine. Nous restons sur la règle d'origine jusqu'à ce que nous arrivions à une situation de contrainte. Par exemple, plus d'un savant parmi les grands savants de l'islam et de la sunna ont apporté le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis, les tabi'oun, comme quoi ils étaient unanimes sur le fait de s'écarter des gens de l'innovation, de ne pas les fréquenter, de ne pas les aimer, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas prendre la science d'eux, etc. Jusqu'à ce qu'ils délaissent leur innovation et qu'ils reviennent à la sunna pure, authentique. Ceci est une règle de base. Et celui qui ne me croit pas, qu'il retourne aux livres de dogmes qui ont été écrits par les savants de l'islam, tels que ou sous la sunna de l'imam Ahmed, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, ou bien le livre Sharh Sunna de l'Barbahari, ou bien le livre Al-Ibana, la petite et la grande, car il y en a deux, Al-Ibana Surla ou Al-Ibana Al-Kubra de Ibn Battah, ou bien le livre Al-Shari'a de l'Ajurri, et bien d'autres livres. Et toutes les paroles des grands savants d'islam comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Al-Awza'i, l'imam Fudayl ibn Iyad, l'imam Soufyan al-Thawri et d'autres, parmi les grands savants de l'islam et parmi les grands savants de la sunna qui ont établi et qui ont cité le consensus des musulmans là-dessus, le consensus des compagnons radiallahu anhum là-dessus et de tous ceux qui les ont suivis. Puis tu vas trouver certains actes ou certaines paroles de certains imams de l'islam dans lesquels ils ont fréquenté un innovateur ou bien ils ont pris la science d'un innovateur ou bien ils n'ont pas mis en quarantaine un innovateur ni le Hajar, ils ne l'ont pas fait le Hajar. Et si tu étudies ces situations-là dans lesquelles ils ont eu ces comportements, c'était dans des situations de contrainte. C'était dans des situations de contrainte. Donc on ne doit pas faire de cette situation, de ces situations de contrainte une base par laquelle nous contredisons la base, la règle de base, qui est le fait de ne pas fréquenter les innovateurs. Naam, à la base, tu ne fréquentes pas les innovateurs et tu ne prends pas la science d'eux et tu les mets en quarantaine et tu ne les aimes pas. à cause de leur innovation et de leur mensonge sur Allah et sur son prophète. Puis si tu te trouves dans une situation dans laquelle tu es entouré d'innovateurs, tu es dans une ville où il n'y a que des innovateurs et tu es le seul sunnite, tu es le seul salafi, à ce moment-là, tu ne pourras pas mettre ces gens en quarantaine c'est-à-dire que tu ne leur passes pas le salam et tu ne parles pas avec eux et tu ne les fréquentes pas du tout. Tu seras obligé d'avoir un minimum de quoi de relations avec ces gens-là. Mais en aucun cas, tu dois faire de cela une règle. Et dès que tu en as la possibilité, dès que la sunna et les salafis deviennent nombreux, alors à ce moment-là, tu peux appliquer et revenir à la règle de base et tu délaisses la fréquentation des innovateurs qui a été faite dans une situation de contrainte. Pareillement pour prendre la science d'un innovateur. À la base, tu ne dois pas prendre la science d'un innovateur. Ceci est la règle de base. Mais il y a certaines situations dans lesquelles on est obligé de prendre la science d'eux. Et les savants ont émis dans cela des conditions. La première des conditions, c'est que l'on soit dans le besoin d'une science qui est chez cet innovateur et qu'on ne peut pas prendre ailleurs. On ne peut pas prendre chez quelqu'un de la sunna. Ça, c'est la première des conditions. Que tu aies besoin d'une science qui se trouve que chez cet innovateur et qui ne se trouve pas chez les salafis. La deuxième condition, c'est que tu connaisses l'innovation de cet innovateur. Et que tu saches y répondre. C'est-à-dire que tu as un certain niveau qui te permette de ne pas te laisser tromper par cet innovateur. Et la troisième condition, c'est qu'il ne faut pas que ta présence chez cet innovateur amène les ignorants à avoir confiance en cet innovateur de telle sorte que toi, peut-être, tu as le niveau pour éviter de tomber dans l'innovation de cet innovateur, mais d'autres personnes qui te voient chez cet innovateur et qui sont ignorants, eux, peuvent te suivre là-dedans et peuvent tomber dans l'innovation de cet innovateur. Donc, il ne faut pas qu'il y amène, il ne faut pas que ta présence chez cet innovateur amène un mal plus grand et que les gens soient trompés par cela. Donc, quoi qu'il arrive, pour celui qui est ignorant ou qui est débutant, il ne doit pas prendre la science d'un innovateur quel que ce soit. Car il n'est pas à l'abri de tomber dans l'innovation de cet innovateur. Et certes, les savants qui ont pris la science des innovateurs, ils étaient savants, et de deux, ils ont pris ce dont ils avaient besoin et qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, comme ceux qui ont rapporté certains hadiths des innovateurs à condition que ce hadith n'appuyait pas son innovation. Mais en aucun cas, tout cela ne doit être pris comme règle générale, car la règle générale est de ne pas prendre la science des innovateurs et de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les fréquenter. Et la preuve de cela, dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et si tu vois, et si tu vois ceux qui patauge dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et plusieurs parmi les salafs ont expliqué ce verset en disant que c'est une interdiction de s'asseoir avec les gens de l'innovation jusqu'à ce qu'ils délaissent leur innovation et qu'ils reviennent à la sunna. Et également dans la sunna, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plus d'un hadith qu'il fallait prendre garde à nos fréquentations. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: l'individu est sur la religion de son compagnon, donc que chacun d'entre vous fasse attention qui il prend comme compagnon. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَبَائِعِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَبَائِعُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيهَا. Donc dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise compagnie est semblable au vendeur de parfums et au forgeron. Le vendeur de parfums, soit il t'en donne, il te donne du parfum, soit tu vas lui acheter du parfum, ou soit tu trouveras de lui une bonne odeur, tu trouveras auprès de lui une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûle tes vêtements, le forgeron, celui qui travaille le fer, soit il brûle tes vêtements, ou soit tu trouveras auprès de lui une mauvaise odeur, tu sentiras auprès de lui une mauvaise odeur. Et notre cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, une fois dans une conférence, il a cité ce hadith et il a ramené une leçon à tirer de ce hadith très subtile. Il a dit, donc le vendeur de parfum, la bonne compagnie et la mauvaise compagnie. Donc la bonne compagnie, c'est semblable au vendeur de parfum. Et le vendeur de parfum, soit il va t'en donner. Donc le cheikh nous a dit, également celui qui suit et qui reste en compagnie des savants de la sunna et des gens de la sunna. Soit ces savants ou ces gens de la sunna vont lui apporter une information bénéfique, une science bénéfique. Donc il a comparé le fait que le vendeur de parfum te donne du parfum à ce savant ou à cette personne à ce savant de la sunna qui vient et qui te donne une science bénéfique sans que tu lui demandes. Il t'en donne. Il te donne de la science sans que tu lui demandes. Ou sinon, le vendeur de parfum, tu vas lui acheter du parfum. Donc, tu vas lui donner de l'argent et lui, il va te donner en contrepartie du parfum. Pareillement, le savant de la sunna, tu vas venir, tu vas lui poser une question et lui, il va te répondre et il va te donner la science sur cette question. Ou au minimum, même si tu n'auras pas pris de science de lui, tu trouveras auprès de lui quoi? Le bon comportement. Et tu vas profiter de quoi? De la manière dont il se tient. Tu vas apprendre ces choses-là auprès de lui. Pareillement, comme le vendeur de parfum, tu trouves auprès de lui une bonne odeur. Pareillement, le savant, tu vas trouver auprès de lui le bon comportement. Donc, quoi qu'il arrive, tu es gagnant en restant avec les savants de la sunna. Par contre, le forgeron, Chir, il a donné l'exemple de l'innovateur. Soit il brûle tes vêtements, le forgeron. Pareillement, l'innovateur, il va brûler ta religion. Il va détruire ta religion. Car tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur une chose qui ne fait pas partie de sa religion et donc ton acte sera rejeté. Donc il va t'embrouiller dans ta religion. Il va te détourner de la religion authentique. Ou alors tu trouveras auprès de lui une mauvaise odeur, le forgeron. Tu trouveras auprès de lui une mauvaise odeur. Pareillement, la personne de l'innovation, même si il n'aura pas influé sur ta religion, au pire des cas, tu seras dégoûté de ce que tu vois de lui et de ce que tu entends de lui. Donc il va enlever la sérénité de ton cœur et tu seras gêné par sa présence. Et je devais aujourd'hui faire également l'explication du hadith numéro 40. Et ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Mais qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Le temps a été plus long que prévu. Pour terminer le hadith numéro 28. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin de faire d'autres cours tout au long de l'année après le mois de Ramadan, car comme ceci a été annoncé, aujourd'hui était notre dernier cours durant ce mois de Ramadan dans les 40 hadiths de Nawawi. Et je vais essayer de voir s'il y a possibilité durant l'année de faire d'autres cours. Nas'alullah Azza wa Jal الإعانة والتوفيق ونسأله كما نسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز السلفية والسلفيين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين أو أحدا من السلفيين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.